Est-ce que de ta cabine de camion, tu regardais les filles en mini-jupe, tu regardais leurs culottes dans les voitures? Je vais te dire une chose, que dans les camions, que en hauteur, tu vois tout ce qui se passe dans les voitures. C'est bien pour ça que je te demande ça. Hein, il n'avait pas besoin de regarder, hein, il avait des posters à poil derrière. Et non. Fildard, s'il te plaît, tu t'écrases avec tes conneries, d'accord? Mais Gérard, merci. Je réponds à ta question. C'est qui? Oui. Ouais, donc moi je suis d'accord, c'est vrai que les femmes c'est des grosses salopes au volant parce qu'elles se coiffent, elles se maquillent et tout, mais il faut dire que les mecs aussi ils se crottent le nez, ils se grattent les couilles. Non, hey, Poufi. Ouais, Coyote, tu peux répondre là? Attends, Coyote. Ouais. Hey, Poufi, déjà t'as pas ton permis? Donc tu peux pas jacter. Ouais, mais attends, quand je roule en voiture avec quelqu'un qui conduit, je vois, donc ouais. Alors, attends. J'observe mieux que quelqu'un qui conduit, hein. Ah ouais, alors attends. Donné que j'ai rien. Attends, tu peux me dire comment t'arrives dans une voiture à voir ce que le mec il fait dans ouais, un camion. Exactement. Mais pas dans ton camion, je te parle dans d'autres voitures. Ah non, mais moi je te parle d'un camion. Ouais. Du haut d'un camion, question, comment tu peux pas le voir? Camion, hein, je te parle des deux. Donc, excuse-moi Gérard, il y a un petit truc Minitel sympa. C'est con encore, son Minitel qui dit qu'il certifie bien que Gérard a son poids lourd, a son permis poids lourd. Alors, c'est question bilan. Ok, d'accord. Donc, je disais, on parle des deux. Bon, dans le cas où c'est des voitures, tu peux tout voir. Dans le cas où c'est des camions, tu peux voir quand même le mec en train de se coupler. Non. Bah, si tu te retournes. Attends, si tu te retournes, mais d'accord, si tu regardes dans le rétroviseur, mais tu vas pas me dire que tu vois le mec en train de se faire une pipe. Mais attends, mais qui t'a parlé de pipe? Bah attends, mais moi je pose la question. Comme tu me dis que tu arrives à tout voir d'une voiture, moi je te dis que c'est pas vrai parce que du haut d'un camion. Dans une voiture, tu peux pas voir ce que le chauffeur routier paie dans son camion, d'accord? Ok, d'accord. Est-ce que l'invité mystère pourrait répondre à la question? Non, elle est pas là. Gérard, j'ai une question. Yoko. Oui. Yoko. Tu peux répéter la question, s'il te plaît, Gérard? Non, Yoko, je répète pas la question. Mais s'il te plaît. C'est femme au tournant, je sais pas quoi, là. Si je vous dis femme au volant, mort au tournant, qu'en pensez-vous? Okay, ça commence à bien faire de me faire répéter les questions, hein. Non, mais Gérard, parce qu'en fait, tu vois, c'est pas les femmes qui boivent au volant. Ah ouais? C'est les mecs, ça. Ouais, faut dire une chose que vous non plus, vous dites qu'on boit, d'accord, mais vous quand même, vous faites rien pour arranger la situation. Bien joué, Gérard. Je suis d'accord avec Gérard. Bah, hein, parce que les trois quarts du temps qu'on boit, je suis désolé, vas-y, mais Gérard. moi j'ai déjà conduit, hein, et je peux te dire une chose que quand je vois une nana, putain, tu dégages. Tu vas dégager, s'il te plaît, avec ta merde, là. Continue, Gérard, on t'écoute. Ouais, hein? Moi, je peux vous dire une chose, que quand je vois une nana qui est sur une autoroute à 60 sur la deuxième pile, alors que c'est qu'il n'y a pas de limitation sur une autoroute, et que tu peux pas doubler, que tu lui fais des appels de phare. Attends, Yoko, tu permets, je te réponds à ta question. Ouais, hein? Et qu'on lui fait des appels de phare, on a beau lui klaxonner et qu'elle avance pas. Hein, eh ben, je suis désolé. Pour moi, j'appelle ça une femme dangereuse au volant. Ok. Ben moi, je suis désolé quand je vois des routiers, hein, ouais, qui serrent les petites voitures pour leur faire peur, qui s'amusent, qui les laissent pas passer. Eh ben, je suis désolé. C'est pas pareil. Ouais. Okay. Ouais, mais d'accord. Attends, c'est qui vient de dire ça? C'est Claire. Soufi. Poufi. Ben moi, je vais dire une chose dans ce cas-là. Si vous voulez, quand vous voyez que les routiers vous serrent, c'est pas parce que vous jouez trop aussi. Parce que vous avez l'air tout permis sur une autoroute. Ah, on dirait des bio au volant. Non, je suis désolé, mais je suis pas d'accord parce que ce qu'ils veulent, c'est regarder toujours les mini-jupes. Mais non, il y a pas ce qu'on veut, c'est de regarder les mini-jupes. Moi, je suis désolé. Monsieur Gérard, ici c'est Didier de l'auto-école. Il faut quand même savoir que plus de 60% des accidents sont causés par des routiers qui ne regarde pas la route. Exactement. Non, c'est pas vrai. Je suis pas d'accord avec toi, Didier. Je ne suis pas d'accord, Didier. Parce que les trois quarts du temps, c'est les nanas ou des vieux qui sont sur l'autoroute et qui n'avancent pas. Les routiers se pignolent le bambou sévèrement dans la cabine. Non, je suis désolé. C'est faux. C'est faux. Gabriel. Moi, je trouve ça un peu abusif, quoi. Ben, pourquoi? Ben, parce que, j'ai entendu les femmes sont des salopes et tout, bon, ça y a, mais chacun a sa part, quoi, enfin, c'est pas une vérité absolue, c'est bon d'être pour aussi, quoi, c'est tout. Non, mais dans ces cas-là, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, et ça, celui-là, c'est pas un moniteur d'auto-école pour moi. Ouais, hein? Exactement. Comment osez-vous parler? Non, faut pas prendre les gens pour des cons, des moniteurs d'auto-école, j'en connais. Gérard. Vous avez une voiture? Attendez, vous avez une voiture? J'ai mon permis depuis 85. Ça fait 13 ans que j'ai conduit des camions, et je sais ce que je dis. Eh ben, vous voulez que je vous dise une chose? Moi, mon cher monsieur, je connais beaucoup de monde, et ben, je peux vous dire que la semaine prochaine, votre permis, vous l'avez plus. Ouais, ben, c'est ça, et ben, dans ces cas-là, je ne l'ai plus. Et ben vous, vous allez dormir. Bonne nuit. Vous ne conduisez que des caddies. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Alors vous n'en avez pas besoin. Moi, je vais vous dire, la semaine prochaine, vous pouvez vous le carrer dans le. Hein, ouais, dans le cul. Et ben moi, dans ce cas-là, je vous dis bonne nuit. Ouais, au revoir. Une trottinette et des benne à ordures. Ouais, ben c'est bien. Et ben la benne à ordures, elle vous emmerde. Alors, bonne nuit. C'est Coyote, j'ai une question. Pour Didier, c'est fini. Coyote. Oui, une question. Si le mec de l'auto-école, quand il va te supprimer le permis, comment tu vas faire après? Mais non, c'est pas un mec d'auto-école. Arrête, Coyote. Gérard? Oui. Ouais, c'est Gabriel. Oui. Je veux seulement rajouter un truc. Bon, moi, j'ai pas mon permis, mais j'entends les gens en parler, quoi. Et apparemment, à propos des assurances, les minettes ont plus de bonus que les mecs, justement, par rapport aux accidents qu'elles ont moins, ça, apparemment. Non, mais attends. Là, Gabriel, je vais te dire une chose, que le bonus, c'est à peu près valable pour tout le monde. Ouais, c'est mais pas les minettes ont plus de points. Oui, mais ça dépend de laquelle assurance que tu prends. Toi, tu dis c'est pas vrai, tu connais rien, toi. Bah, moi, toi, avec ta voiture poubelle, hein? Hein? Une caca-voiture? Avec sa caca-voiture. Ouais, donc, Gabriel, ça dépend de quelle assurance. Laquelle assurance que tu prends. Okay. Si t'as différentes assurances, tu peux avoir aussi bien le même bonus que la personne, que le mec. Ok, bon, enfin, moi j'ai entendu ce qu'ils ont fait là, donc. Oui, mais ça, c'est des on-dit. Okay. Ça, avec les on-dit, tu sais qu'on va partout. Ouais, ah bon, ouais. Non, mais moi je suis pas d'accord parce que. Qui Poufi, parce que quand je passe en voiture, je suis désolée, je suis pas d'accord. Quand je passe en voiture, il y a des camions qui passent, et ben, ils klaxonnent tout le temps parce qu'ils voient mes cuisses. Alors là, ça m'énerve. Je suis pas d'accord, je suis désolée. Mais non, mais attends, hey, Poufi. Je vais te dire une chose, les trois quarts du temps, si les routiers klaxonnent, c'est pas parce qu'ils voient vos cuisses, on en a rien à foutre de vos cuisses, ouais, parce qu'ils pètent. Bonjour, c'est Dieu. Mais dans ces cas-là, moi, je peux te dire une chose. Poufi. Non, le dis pas. Poufi, moi, je vais te dire une chose. Le dis pas. Est-ce que t'as déjà fait un appel de part à un routier qui t'emmerdait? Comment? Est-ce que le mec avec qui tu conduisais, ouais. Est-ce qu'il a déjà fait un appel de part parce qu'il avançait pas assez vite? Ouais, moi, ça m'est arrivé, ouais. Qui? Claire, ça t'est arrivé? Il n'a pas été plus vite. Et tu sais, moi je vais te dire une chose, tu sais ce que ça veut dire de faire des appels de phare? Non. Ça veut dire que t'emmerdes la personne qui est devant toi. Ça veut dire que tu l'emmerdes, ou si c'est entre routiers, ça veut dire qu'il peut se rabattre et que c'est bon. Gérard, oui. C'est Poufi, je suis pas d'accord, oui. Parce que parfois les appels de phare, ça veut dire qu'il y a des flics aux alentours. Oui, ben oui, mais ça en principe, pour prévenir qu'il y a des flics, normalement c'est interdit. Donc on va poser la troisième question et on va s'écouter peut-être. Après la question, s'il te plaît. Bon, qui c'est qui veut parler là? Ludo. Jean-Paul Mittard, après la question. De la chaleur purée sur Yvette. Bon, mais attends, mais c'est quoi là tout ce bordel là? Allô. Rien, qu'est-ce que tu fous, Phil? Allô. Ouais, mais ça commence à bien faire là. Allô. Monsieur Gérard de Touraine. Oui. Voilà. Je vous appelle parce que, en fait, donc, je fais partie de la gendarmerie de Lâche la purée sur Yvette. Allô, bonjour. Bon, allez, coupe-moi. Allô, Pilar, envoie-moi le disque. Pose la question, Gérard. Donc, combien vous coûte un permis en stage? Et on s'écoute... Non mais c'est bien. Ouais, on va s'écouter Thierry Crous off Noise. Donc bonsoir à tous, c'est Pildar qui va vous annoncer le titre du disque. Mais non, c'est toi qui l'as fait, Gérard. Ah bon. Alors, c'est Thierry Crous off Noise, c'est ça? Ouais, c'est à peu près ça, c'était Thérapie avec Church of Noise, c'est carrément ça. Ah d'accord, ok, excusez-moi. Merci. Donc on récupère Gabriel. Ouais. Ivan. Ouais, salut. Simon. Oui, bonsoir. Non, mais celui qui s'amuse à mettre les concerts de klaxon, c'est pas la peine. Merci. Coyote. Putain, j'ai tous mes poissons qui sont morts, là. Bon, Coyote, tu... Non, je suis là. Bon, tu restes bien, calme. Ça va, Gérard, tu vas bien. Ok. Donc, Poufi. Hola. Poufi. Oui. Salut. Donc, Claire. Oui, je suis là. Et Yoko. Toujours là. Donc, alors, la question, je la répète, c'est combien vous coûte un permis en stage? Merci pour celui qui s'amuse à faire la fourmi. Un permis. Tu peux nous expliquer ce que c'est d'abord, un permis? Ouais, Gérard, tu peux préciser ta question. C'est clair. Combien vous coûte un permis en stage? Ouais, c'est quoi un permis en stage? Bon, c'est quoi? Oui. C'est quoi? Donc, un stage. Permis. Quand vous passez votre permis, vous le payez, il y a des stages pour passer un permis. Ouais. Donc, combien ça vous coûte? Ah, combien ça coûte de passer le permis? Voilà. Ah, d'accord. Oui, moi, Gérard, c'est Simon, minutes, oui. Oui. Attendez, 5 minutes. Non, c'est bon, continue. C'est Simon? Oui. Oui, bah, une petite fellation et puis ça le fait. Bon, alors, Simon, je crois que ça se voit que t'es de Belgique parce que t'as pas tellement compris la question, hein. Ben, c'est parce que je la reçois avec 2 secondes de décalage, Bikounet. D'accord, je suis pas ton Bikounet. Olivier, s'il te plaît, tu dégages de derrière. De derrière les fesses à GG. Donc, Gabriel? Ouais, bah, ça dépend combien de fois tu le rates, quoi. Non, mais au départ, tu vas dans une auto-école. Pour le stage? Oui, pour le stage. Je sais pas. Mais... Combien vous coûte le permis en stage? On dirait 2000, un truc comme ça. Bon, hein? 2000? Non, mais attendez, moi j'ai une réponse à vous donner. Ah bon? Hein? Ivan? Ouais, bah, le permis en tige. Ivan. Tu peux répéter la question, GG? Non, Ivan, dans ce cas-là, tu vas voir Manu. Mais pourquoi le permis en stage? Mais combien que ton permis? Est-ce que tu t'es déjà renseigné dans une auto-école pour savoir combien te coûte un permis? Tu peux le passer en stage ou tu peux le passer content? Mais il ne stage pas, moi, il est propre, mon permis. Bon, allez, hop. Il n'a pas compris. Non, mais des fois, tu lui répètes ta question, combien coûte un permis en stage? Tu peux répondre. Mais des fois, Gérard, tu peux être content quand tu passes ton permis, tu peux t'énerver. Mais non, en stage. En stage. Tu as des stages à l'heure actuelle dans des auto-écoles pour passer un permis de conduire. Mmh. Tu as une certaine somme. Mmh. Bah oui. Bon, c'est ça que je veux expliquer. Non, mais okay, stage, c'est un mot anglais, stage. C'est quoi stage? C'est qui ça? Non, c'est pas stage. C'est Yvan. Bon, Yvan va voir Manu. Ça, il va t'expliquer. Rien. Non, mais il va t'expliquer. C'est Gabriel qui a raccroché. Coyote? Oui, bah, combien coûte le permis en stage? Mmh. De 2 à 3 000 francs maximum. En euros, je te fais une traduction d'euros. Non. Oui, vas-y, attends, ça peut intéresser les gens. Mais ici, c'est important. Hein. C'est l'Europe, hein, prépare sa carrière internationale. 500 euros, quoi. D'accord. Ouais. Ok. J'ai pas parlé de la dévaluation de la livre sterling. Si non, mais c'est bon, Coyote. On descend à 437 euros maximum, quoi. C'est sûr. Non, mais c'est bon. Coyote. À moins que... Coyote! Ouais. Non, je pense que ça fait trop, là, non? Ça fait un peu trop. Ouais. Bon, Coyote, s'il te plaît, tu te merci. Surtout que Gérard, il le savait déjà. Foufi. Oui, alors moi... T'as pas ton permis, alors? Bon, tu m'écoutes, hein? Ouais. Bon, comme moi, j'ai envie de passer mon permis, je me suis renseignée. Hein? Et donc, je me suis renseignée auprès des entreprises pour faire mon permis de stage. Et donc, j'aurai un stage de 2 semaines... qui va me coûter à peu près dans les 15 000 francs. Non, c'est bon, pour l'instant, celui qui dit allô, tu vas te taire. Foufi, pour l'instant, t'es en train de dire des conneries. Claire. Foufi, je vais te dire une chose, qu'un permis, ça te coûtera pas 15 000 francs, t'es une menteuse. Ah bah, donc, non. Ouais, bah, tu t'es fait arnaquer, ça dépend de l'auto-école. Ouais, y a pas de merde. Alors, tu te tais 5 minutes, merci. Claire. Ouais, mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est que je signe la convention avant. Claire. Allô. Claire. Allô. Claire. Allô, Gérard. Claire, s'il te plaît. Oui, mais je t'entends pas du tout, là. À quoi vous jouez, là? Rien. Claire. Oui. Quand je l'ai passé il y a 6 ans, c'est parce que j'ai signé la convention. Bon, Foufi, tu t'écrases ou tu dégages? Ferme les lèvres. Et toi, celui qui dit ça, tu dégages aussi? Bah, c'est poétique. Allez, je suis parti. Claire. Ouais, je te disais que quand je l'ai passé il y a 6 ans, ça m'avait coûté 2800. Mmh. Et qu'en tout, j'en avais pour 3500. Et en euros. Ah, voilà. Alors donc. En euros, tu divises par. Donc, attendez, s'il vous plaît. Oui. Oui. Manu. Oui. Manu. Oui. On accueille Gugu. Voilà. À la place de Gabriel qui a raccroché. Petit oiseau bubble gum. Ça commence pas, sinon j'arrête. C'était son jingle. Et Gugu, t'as tes bosses. Donc, Choco. Yoko! Oui! Alors moi je voudrais savoir parce que combien, enfin tu me dis c'est quoi entre. Oh là là! C'est le bordel! Mais ouais. Gérard! Mais Gérard, tu parlais bien du permis voiture! Oui! Ah oui! Ouais, Gérard, parce que moi pour mon permis piéton j'ai payé quand même 3000 balles quoi! Bon, Yoko! Oui! Yoko! Tu sais ce que tu fais? Yoko! Oh non! Tu t'en vas! Yoko! Tu t'en vas. Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh non, attends, son histoire de permis piéton, j'en ai rien à cirer. C'est n'importe quoi, c'est zéro. Bonne nuit. Allez hop. C'est comme les débats de Gérard. Ivan. Je te vois comme ces débats. Ivan. Non, il lui dit qu'elle s'en va. Donc, Claire. Ivan. Oui. Donc, toi, tu m'as dit que ça t'était revenu à peu près, hein? 3500 francs, ok. En euros, 600. Non, mais je m'en fous des euros. D'accord. Foufi. Oui, ben moi je me suis fait arnaquer apparemment. Non, non, non, mais vas-y, vas-y. Vas-y, parce que ton truc il est bidon. J'aimerais bien avoir des conseils, Gérard. Non, non, mais ton. Non, mais c'est bon là-haut. C'est jouer la concurrence. Bon, Olivia, tu dégages. Olivia, tu dégages. Tu dégages, c'est pas avec toi, maintenant. Tu dégages. Tu pas dégages, de l'équipe, Olivier. Ouais. Ah, reprends, il n'a rien fait. Tu commences à m'énerver, tu dégages. Hystéro, ce mec. Bon, toi, si ça te plaît pas, c'est le même prix. Ivan. Ouais. Ivan, combien Ich bin eine große Umweltschwerfer in der Politik. Bon, Ivan, tu dégages. Allez, hop, tu dégages. Ne dégage pas, les auditeurs, toutes les deux minutes. Oui, arrête de les dégager toutes les deux minutes. Non, mais attends, demande combien ça coûte un permis, vous arrêtez de déconner tous les trois. On n'a rien fait. Bon, alors, tiens. Alors, les auditeurs, écoutez-moi, c'est Manu, 30 secondes. Ouais. Répondez à cette question, s'il vous plaît. Ça y est. Merci. Bon, Gugu. Ouais. Combien ça coûte combien... un permis? Ouais. Bah, moi, je l'ai payé 3500 francs à l'origine. Non, mais en stage. En stage? Ah, en stage, je sais pas, parce que c'est... Donc, tu dis 3500. Ouais, 3500, mais moi, je l'ai eu en trois fois. Ah, d'accord. Ivan? C'est pas en stage. Ivan? Ich bin eine große Umweltschwerfer. Bon, allez, lui, tu le dégages, allez, lui, tu le dégages pour de bon. Allez, hop. Je vais le calmer. Non, non, tu le dégages complètement. Tu le dégages complètement, c'est terminé pour lui. Rien de chaud, Simon? Simon? Oui. Simon? Oui, je suis là. Eh ben, moi, je dirais, si tu veux, Ça commence à m'énerver, là. Je l'ai passé en trois fois. Alors, la première fois, c'était en Allemagne. Bon, ça m'a coûté à peu près 1000 Deutschmark. Mm-hmm. Après, bon, bah, j'étais en Angleterre pendant un certain temps et ça m'a coûté à peu près, hein, 800 livres sterling. Mm-hmm. Parle en euros, hein. Et oui, bon, après, on va convertir. Et, non, mais attends, celui qui parle de l'euro, tu vas la fermer, s'il te plaît. C'est euros. Je l'ai fini au Groenland, et au Groenland, c'est cher parce que ça fait quand même à peu près 2500 Sputnik. Et bon, voilà. Ouais, et en France, ça fait combien? Je sais pas, t'as une calculette, vas-y, quoi. J'ai pas de calculette, alors. Poupi, tu vas t'écraser avec ton euro, d'accord, toi? Gérard, t'as des doigts. C'est pas moi, hein. Tu comptes sur les doigts. Mon coyote. Oui. Écrase. Mais c'est déjà dit, combien? Non, mais en francs français, on parle pas de l'euro, d'accord? Parce que ça commence à me dégonfler. Entre 2000 et 3000 francs, mais il y avait la dévaluation de la livre sterling au même moment. On parle de plus en plus de l'euro. Je perds les pédales, je commençais à paniquer. Tu perds les pédales, mais là tu vas perdre les pédales, tu vas aller voir Manu au standard. Non, tu vas voir Manu au standard, c'est terminé pour toi. Mais Gérard, est-ce qu'on peut payer par exemple son permis en plusieurs fois? Tu sais, les mecs qui ont pas d'argent. Non, mais justement, non. Moi je vais répondre à Claire et à Gugu et à Poupi, parce que Poupi, je crois que là où tu t'es renseigné, je pense que. En plus, j'ai payé la moitié de la somme, là. Ouais, non, mais attends, déjà, tu vas me laisser finir, s'il te plaît. Combien tu payes, moi? Laissez finir, Gérard. Bon, déjà, moi, je peux vous dire une chose, que déjà, toi, Foufi, ta réponse, elle est complètement con. Donc, si tu t'es fait arnaquer, c'est de ta pote, c'est pas de la mienne. Hein? Bah, j'ai jamais dit que c'était de la tienne, hein. Non, mais là, si tu t'es fait avoir, c'est pas notre problème. Mais moi, je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, et ça, vous pouvez aller voir dans des auto-écoles, c'est affiché sur les vitres. À l'heure actuelle, un permis en stage, formation assurée, vous revient à 3950 francs. À tout, grosso modo. À Paris. Oui, dans Paris. Ah oui, en tout. On n'est pas tous à Paris. Oui, non, mais en tout. Quoi, t'en tous? Ouais, mais parle devant le micro. Je demande s'il y a tout compris pour mais ça. Mais quoi? Bah, la voiture, tous les trucs pour prendre le salaire. Mais attends, Olivier, t'es complètement con ou quoi? Bah oui. Non, mais tu peux choisir la marque. Ben non, tu peux pas. Oh, arrête tes conneries. On peut choisir la marque ou pas? Bah oui. Bon, allez. Après, faut acheter le A, hein, ça coûte cher le A. Mais non. Moi, mon moniteur, il voulait m'emmener sur le pont de la main. J'ai dit, oh non, non, bonhomme. Bon, bah toi, tu dégages pour le pont de la main. Allez hop. Excusez-moi, j'ai une question Minitel de Trou qui demande à Gérard s'il pourrait me convertir, combien de passes il faudrait faire Porte Dauphine pour avoir un permis de conduire. Bah lui, il va se faire enculer lui-même. Bah à 50 centimes la passe, tu calcules avec Gérard. Ta gueule, toi. Voilà, comme ça, c'est français. Arrête d'être vulgaire, s'il te plaît. Donc, alors, je peux vous dire une chose, que dans Paris, c'est marqué sur les vitres des auto-écoles. Bon, Philard, s'il te plaît, tu vas arrêter, sinon tu vas dégager, je vais mettre Marina à la place. Ouais. Parce que là, ça commence à bien faire. Tu finis ton créneau et tu te calmes. Bon. Vous vous calmez, s'il vous plaît, quand je donne les réponses, sinon je réponds plus aux questions. Non, mais elle est mignonne, Marine. Eh, tu baves, Gérard. Vas-y. Vas-y, Manu, s'il te plaît, tu vas me les calmer tous. Donc, pour Claire et Gugu, moi, je peux vous dire une chose, que vous n'êtes pas loin. C'est moi. Non, toi, Foufi, toi, t'es vachement loin, tu t'es fait arnaquer, c'est pas de ma faute. Tu fais combien, Foufi? Elle, c'était 15 000, ouais. Putain, c'est permis Ferrari. Bon, en plus, j'ai déjà donné la moitié de la somme. Ouais, tu pourras jamais la récupérer. Ça va se passer au tribunal, hein. Non, mais faut que t'écrives à... Ah ouais, obligé, hein. Non, bon, pour Gugu et Claire. Ouais. Pour Gugu et Claire. Oui. Donc, je peux vous dire que ça vous revient à 3950 francs. Mm-hmm. Donc, en tout, à 50 balles près, ça vous revient à 4000 balles. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des tarifs d'étudiants? Ah bah ça, ça dépend des auto-écoles. Je pense qu'il y a tarif étudiant là. Oui, il y en a. Tu pourrais me renseigner, s'il te plaît? Ah non, mais ça, vous vous débrouillez. Moi, je suis pas moniteur d'auto-école. Hein. Mais Gérard, la prochaine fois. Gérard, excuse-moi, dans le prix que tu as annoncé là, est-ce que tu as compté le passage du code barre? Ah. Mais non, mais qu'est-ce que tu me parles du code barre, toi? Bah oui, il n'y a pas un code barre dans un permis. C'est le code jusqu'à réussite. Olivier, s'il te plaît, tu mets ça. Non, Olivier, tu mets ça. Non, parce qu'on avait un problème. On était en train de régler un truc. Ouais. D'ailleurs, je vais te faire un retour sur le coin de ta figure, toi, tu vas voir. Ça va te faire drôle. Je prendrais bien un bain, moi. Ouais, tu vas voir. Fais le con, Olivier, tu vas voir. À 3h30, j'arrête si tu fais le bordel. On continue. Donc, je vous ai répondu sur la question. Ouais. Donc, a-t-on le droit de fumer quand on passe son permis? Alors là, moi, je travaille pas avec du son comme ça. T'as raison, c'est naze. Ah, voilà, c'est bien. A-t-on le droit de fumer? Quand on passe son permis. Bah, moi, oui, moi, j'ai fumé, hein. Qui? Gugu. Attends, Gugu. Ouais. Tu crois que le moniteur de ton école te laisse? Moi, j'ai pu de la presse. Et voilà. Et voilà. Avec toi, quoi. Et elle était chérie, et puis j'ai mis du reggae dans l'autoradio, et puis là, c'était la fête. Hein, ouais, c'est ça. Et je l'ai eu du premier coup. Ouais. Tu l'as eu du premier coup? Bah ouais. Tu me diras dans quelle auto-école que tu l'as passé? L'auto-école du shit. Ouais. L'auto-école Jamaïca. 13 rue du Chichon. Tu connais l'auto-école des partout? Ouais. Qui c'est qu'on a à la place d'Ivan? Ah, on a toujours Ivan, mais il s'est vachement calmé. Ouais, non, donc, calme, hein, Gérard. Alors, Ivan? Ouais, bah écoute, on peut fumer, je sais pas, la pipe, le cigare, mais pas la clope en tout cas. Mmh. D'accord. Simon? Oui, c'est Simon. Bah écoute, mon petit GG, moi je sais pas. Tu mets ça, s'il te plaît, Fildar, parce que là, ça commence à bien faire. Non, mais je voulais savoir si t'étais capable de reconnaître le bruit d'une voiture. Attends. Attends, tu permets, là, tu t'amuses pas à faire des doubles sons, là. Ok? Donc Simon? Oui, moi mon permis, ben je l'ai eu à la force de la langue et j'ai pas mal tiré sur des gros cigares, oui. D'accord. Je vois pas du tout le rapport avec la question. Bébites, si tu veux. Ben voilà, j'ai pas payé. Coyote. J'ai payé en nature, mon petit GG. Coyote. Non, je pense qu'il est formellement interdit de fumer sous peine de sanctions graves, quoi. Que ce soit le cigare. J'ai fumé un chichon, je te dis. Ou la cigarette, sauf bon, apparemment Gugu, il a eu la chance, ça s'est passé. Tu verras. Je te dis. Mais je crois que c'est interdit, t'es pas d'accord Gérard? Non, mais de manière, c'est strictement interdit de fumer pendant que tu conduis. Bah, moi, je tombe si tu fumes. Attendez, attendez. Pourquoi mettre des cendriers dans la voiture? Dans les auto-écoles, dans une auto-école, tu n'as pas le droit de fumer déjà une. Mais t'as le droit de boire? Non, non plus. Non, attendez. S'il vous plaît, déjà, tu peux pas fumer parce que déjà, pour commencer, t'es pensé d'avoir les deux mains sur le volant. On dirait des vieux qui conduisent quand tu passes ton permis de conduire. Tu peux même pas mettre ton coude sur la fenêtre quand il fait chaud en plein été. Ouais, mais tu peux même pas flamber pour en passer un permis, c'est dingue. Ouais, non, mais je vais te dire une chose. Je passe. J'ai plus rien. Donc moi, je peux te dire une chose, Fildar. Ouais. C'est que j'ai passé mon permis et je vais te dire une chose, que quand t'es... tu peux rien faire. Ah, tu disais on peut pas fumer parce qu'il faut avoir les deux mains sur le volant. Mais regarde, tu peux fumer là. Non mais même. T'as les deux mains sur le volant. Non, je suis pas. Non mais Manu, non. Non mais ouais, mais comment tu fais quand elle est éteinte ta clope? Ah bah. Tu la craches. Voilà. Ah ouais, par la fenêtre. Non. Bah tu la craches et tout. Tu la gobes. Donc. Oui Gégé, j'ai une question. Est-ce que c'est vrai que tu carbures tellement que ton pot d'échappement il fume après l'acte? C'est ça. Foufi. Oui, bah moi, étant donné que je sais pas, donc je pourrais pas te répondre à cette question, parce que étant donné que je me suis fait baiser la gueule, je pourrais pas répondre à ta question, donc étant donné que je me suis fait baiser la gueule. Même pourquoi? Claire. Parce que non, mais on s'en fout, elle se fait baiser la gueule et ça m'étonnerait qu'elle puisse avoir son permis. Claire. Ouais. Hein. Bah moi, quand j'ai passé mon permis, il y avait pas d'alcool. Ah. Tu sais oh là, Fildar. J'ai plus rien là dans le casque. Hein? J'ai plus rien. C'est vrai? Dis que c'est normal, c'est normal. Tu veux que je dise que j'ai sucé? Ouais, j'ai sucé. Claire? Ouais, allô? Nature. Et j'avais rien du tout pour pouvoir fumer, mais maintenant je fume, ouais. D'accord. Quoi, la cigarette ou la pipe? Ouais, 5 minutes, s'il vous plaît. Oui, voilà, 5 minutes s'il vous plaît. On accueille donc l'invité mystère numéro 2. Salut, là donc, je voulais te dire, Gérard, que je suis pas du tout d'accord avec toi. Tu peux très bien fumer en conduisant. Bah, et pourquoi? Mais arrêtez avec vous, pourquoi, merde? C'est vrai, mais plutôt comment? Tu peux pas le prendre en conduisant, mais fumer une cigarette, tu peux. Oui, mais parce que... mais attends, tu crois... Bah oui, parce que... Oh, regarde, merde. Mais comment? Je m'informe. Eh ben parce que... Oui, mais comment? Parce que quoi? Voilà, parce que quoi et comment? Pourquoi et comment? Est-ce que t'as envie de fumer une clope? Ah ouais, bah celui qui s'amuse avec le son, là, ça commence à bien faire. Olivier, merde. Pourquoi t'as envie? Hein, Gérard, t'es pas d'accord avec moi? Non. Bah pourquoi? Arrêtez, mais pourquoi là? Bon, on va vous allez réfléchir à la, okay, à la question 5. Okay, GG, c'est Simon. Je voulais te dire que si ça fume, il faut que tu changes de trou. Hein. Mais ta connerie tout à l'heure, elle va changer de trou. Ouais. Tu vas dégager, toi. Joli. Allez, pose la question, Gérard, et alors, on se retrouve après le disque. Trouvez-vous cela dangereux de conduire pendant que l'on téléphone? Et on s'écoute Rage Hunt in King Machine avec Killing, tu l'annonceras. Ça vaudra. Et voilà, c'était Tuer les oursins, ça panique avec les... Non, attends. Répète tout, vas-y. C'est Tuer les oursins, c'est la rage contre machine avec Tuer les oursins, ça panique avec les quéquettes. Donc, voilà le titre. Bon, c'est pas de ma faute, c'est Pédard qui a écrit. Alors, comme c'est une écriture de caca. Ok, d'accord, super. Donc, vous pouvez toujours nous appeler. Il nous reste encore une petite demi-heure à passer encore ensemble. Donc, vous pouvez toujours nous appeler au 0803 08 5000 et 0870 5000 et toujours 3615. Code Fun Radio, rubrique direct. Et on récupère Gugu. Ouais. Donc, voilà. C'est tout, je suis tout seul. Non, mais celui qui s'amuse à marquer des conneries comme ça, c'est bien. C'est quoi comme connerie? Ah, c'est pas moi, hein. On récupère Ivan. Oui, bonsoir. Rebonsoir. Oui. Simon. Salut, toi. Rebonsoir. Coyote. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc, Foufi. Salut. Bon, ouais, bonsoir. Bonsoir. Donc, Claire. Oui, je suis là. Et l'invité mystère. Bonsoir. Rebonsoir. Bonsoir, l'invité mystère. Donc, alors, trouvez-vous cela dangereux de conduire pendant qu'on en téléphone? Oui, interdit. Alors, attendez. Qui vient de dire oui? Foufi. Ah. Alors, Foufi. Oui, toi, qui n'as pas ton permis de conduire, je ne sais pas comment que tu peux me dire que c'est facile de conduire en téléphonant. J'ai dit non, c'est pas facile. Non, ça, t'as dit oui. T'as dit oui, je suis désolé. Elle a dit oui, c'est interdit. Oui, c'est dangereux. Ouais, mais trouvez-vous cela dangereux de conduire? Ah, ça marche. Il y avait longtemps, on voulait voir si ça marchait. Ouais. On va voir si ça marche. Bon, c'est bon. Hein. Donc, Foufi. Oui, c'est dangereux de conduire avec un téléphone, parce que quand tu téléphones, tu peux pas parler et conduire en même temps. Tu peux pas regarder à gauche ou à droite pour tourner à gauche ou pour tourner à droite quand tu téléphones. Ça des rétros. Tu peux pas regarder les mini-jupes quand tu téléphones. Non mais attends, Foufi, ça commence à bien faire tes conneries. Fildar, tu mets un ce putain de son, s'il te plaît. Il y a pas de double son là, Gérard. Celle-là, ça commence à bien. Foufi. Oui. Je pense que... C'est vrai, quand t'es dans un camion, tu peux pas téléphoner et regarder en dessous aussi. Ah ouais, non mais attends, alors là, Foufi, t'es complètement en dehors de la... Je suis désolée, j'ai pas mon permis, donc je peux pas tout savoir non plus. Hein. C'est bon. Donc, Claire. Ouais, c'est pas seulement dangereux, c'est surtout interdit, donc... Non, c'est pas encore interdit par... Non, c'est pas interdit de téléphoner sauf si tu t'arrêtes. Non, ça a pas encore été interdit, je suis désolée. C'est interdit de téléphoner sauf si tu t'arrêtes. Oui, mais tu trouves tout, t'as toujours des gens qui téléphonent en conduisant. Oui, mais c'est interdit, c'est pas parce qu'ils le font que c'est pas interdit, c'est interdit. Non, mais trouvez-vous... Attends, est-ce que t'as bien compris la question? Oui, je te dis que ce n'est pas seulement dangereux, c'est surtout interdit. Non, mais trouvez-vous cela dangereux de conduire pendant qu'on téléphone? Oui, c'est ça la question. C'est surtout dangereux de téléphoner quand on conduit, mais c'est interdit. Non, mais je vois pas le rapport avec trouvez-vous cela dangereux. Est-ce que tu penses que c'est dangereux de conduire sans téléphone? Bah, si tu téléphones, tu peux pas regarder devant toi, abruti. Non, mais si tu conduis sans téléphone... On va demander à Coyote. Bah écoute, moi je suis au téléphone là, heureusement que je suis pas en voiture parce que j'ai le mur juste en face de moi quoi. Ouais bah c'est bien, prends-toi le mur comme ça donne pas les vacances. Non, Gérard, on parle pas du pont de l'Allemagne. Non. Simon. Oui, bah moi écoute mon petit GG, je pense que déjà c'est... Olivier. Bien, lui, hein, Olivier. Olivier. T'arrêteras de marquer des saloperies sur, sur les feuilles de, des auditeurs, d'accord? Parce qu'il est garde. D'accord. Et Gérard, Simon, il t'aime bien, hein. Dehors. Dehors, dehors, dehors, dehors, dehors, dehors. Et va mettre, je plus hey, voir. Olivier va mettre un peu de ventile là parce que je peux te voir. Je peux te voir, je peux te voir, je peux te voir. Calme-toi mon GG. On voit la ventile un peu. Oh là là, mais laissez-le tranquille, il est fragile. Olivier va claquer au flipper. Fragile. Non mais c'est impossible de travailler avec un abruti comme ça. Voilà Gérard, on a un scoop, on a un scoop Gérard. Sur le Minitel, Trou nous explique en fait comment Lady Di est morte. C'est qu'en fait elle, il y a le chauffeur qui téléphonait. On s'en fout. Je m'en fous. Il y a le chauffeur qui téléphonait. Ivane. Oui attends, c'est Simon, j'ai pas fini de répondre. Oui alors moi je t'ai dit d'abord. Hé, la ventile, toi abruti. Tu m'écoutes chérie. Oh ta gueule, c'est pas ton chéri toi un PD. D'abord c'est pas possible. Oh ma chérie d'invité mystère là, tu réponds s'il te plaît parce que l'autre là il me fait chier. C'est pas possible parce que le fil il est pas assez long. Mais putain vous allez arrêter là. Tu peux pas surtout le brancher. Tu vas arrêter. Ah bah ça, je peux parler, on est. Y'a déjà pas de ventilation, vous arrêtez de faire vos conneries. Arrêtez de l'énerver. Faut qu'on en finisse là. Arrêtez. Bon allez hop. Il est sensible, il est fragile. Allez. Surtout parano. Il fait de la ventile, GG. Ouais, commencez pas à me faire chier. Toi, tu me mets de la ventile et tu te mains le cul. Faites-lui un peu de ventile, les auditeurs, là, parce qu'il a chaud. Dégage, c'est mieux, merci. C'est parfait. L'odeur est évacuée. Il est décoiffé. Il faut pas conduire avec un téléphone. Allez, Gérard, on y compte. Bon, l'ami camissaire, là. Eh ben, je viens répondre. Tu peux pas conduire avec un téléphone. Et pourquoi? Oh, mais arrêtez avec vous. Pourquoi c'est moi qui pose la question, merde? Tu veux que Manu? Comment? Oh, ta gueule un peu. Parce que je pense que si tu conduis avec un téléphone. Attends, c'est bizarre. Quand c'est Françoise, vous disiez pas pourquoi ni comment. Quand c'est moi, vous me faites chier. Mais parce que je vous emmerde. Eh ben, dans ce cas-là, vous dégagez. Mais pourquoi? Parce que vous êtes des cons. Oh, comment? Bravo, Gérard. Moi j'applaudis pas, moi non plus, moi j'applaudis pas. On va dégager. Vous faites pas chier. Oui Gérard. Ouais. Attendez. Excuse-moi Ivan, mais l'invité mystère n'a pas eu le temps de répondre. Non, mais justement à ce sujet-là, je veux dire que l'invité mystère, il faut pas qu'elle conduise en téléphonant parce qu'elle a qu'un seul neurone, elle peut pas faire deux choses en même temps. Bon alors là, ça m'étonnerait parce que t'as pas été voir. Ouais, bien répondu. Voilà, t'es content Ivan. Je connais pas, alors tu peux pas savoir comment je suis. Heureusement pour moi. Bon. Enfin, j'ai vu des baleines dans la Méditerranée l'année dernière, je sais ce que c'est. Hein. J'étais en France. Ça ressemble pas à une baleine. Ouais, c'est pas une baleine, elle pèse 55 kilos. Ça ressemble à une baleine, mais pas moi. Mais c'est pas grave, j'ai vu des sangliers aussi dans la forêt. Oh, tu fermes un peu. L'hippopotame. Donc, tu te la fermes, merci. Tu gères un peu, là. Donc, alors, moi, je peux vous dire que conduire en téléphonant, c'est vachement dangereux. Hein. C'est vrai que c'est vraiment conduisant. Tu peux nous donner une réponse à ça? Conduire en conduisant, déjà, c'est strictement interdit et tu peux avoir un accident. Si tu es au volant et tu bois pas un peu, tu rentres dans le cul de celui qui est devant toi. Ouais, Gérard, comment tu peux conduire en conduisant? Je comprends pas. C'est quoi, attends, tu conduis avec une main. Tu as deux mains pour te conduire. Quand tu téléphones, t'as avec une main. Oh, Olivier, tu dégages. Olivier, tu dégages, c'est quoi cette obsession de rentrer dans les culs? Non, mais dans les murs. Il a découvert les économies. Bon, allez, Poufi, tu dégages aussi. Ouais, c'est pas moi, hein. Non, non, moi, j'en ai ras-le-bol, ça commence à bien faire, maintenant, vous allez gerber. Eh, il reste plus qu'un quart d'heure. Tu te calmes, c'est pas moi qui a parlé. Dansez-vous en conduisant. Si oui, comment? Ouais, moi, je danse, ouais. Qui? Claire. Vas-y. Et comment? On a dit qu'on disait plus comment. Attends, c'est moi qui pose les questions, d'accord? Et comment, de droite à gauche, en général, ou d'avant en arrière? Pourquoi? Oui, c'est Simon. Oh là là là là là, celui qui s'amuse à dire pas. Celui qui s'amuse à dire pourquoi, Villard, tu vas m'éteindre le micro. Tu vas m'éteindre le bouton rouge qui est allumé, s'il te plaît. Mais c'est mon micro. Ouais. Regarde. Là, comme ça, je préfère. Chérie, calme-toi, ton cœur. Oh là là, ça commence à bien faire, l'autre qui est derrière. Bon, moi. Faut aller de l'avant, Gérard. Allez, on y va, là. Ouais, on y va, quoi, on y va. C'est mou, là. C'est Simon. C'est moi. Moi, je mets une cassette de la lambada et puis je mets mon genou entre les cuisses de mon partenaire et c'est d'accord, n'importe quoi. Gugu. Gérard, tu peux témoigner? Qui? Moi. Qui, moi? Ben, moi. Bon, quand tu me donneras ton nom, toi, tu iras te faire. Gérard, pourquoi tu m'envoies? Oh là là, c'est l'invité mystère. Mais non, c'est pas sa voix, ça. Ah bah, je t'assure, c'est la petite lumière vieille qui est verte qui clignote. Ah ouais, la petite lumière verte. Gérard, c'est Enrico. Tu vois, Enrico, c'est l'invité mystère. Allez, oula. Oh là là. Qu'est-ce que tu me fais, toi, avec ton double son, là? J'ai pas de double son. Putain, vous me faites chier, là, ce soir. J'ai une question. Gugu. Allez, on va aller dans le micro. question pour l'invité mystère. Oui. Ça a quel goût une liste de lépreux? C'est grave. Dans la bouche. Bon, c'est allez. Pas le thème du débat. Allez Gérard, assure un peu le débat là. Et du calme les auditeurs. Bonjour, ouais. Donc Gugu. Moi aussi je danse. Je m'assois sur le levier de vitesse. Je danse sur de la techno, c'est comme ça que je roule. D'accord. J'ai presque pas reconnu ta voix. Ivan. Oui, bah comme il a dit, première, deuxième, troisième, quatrième et marche arrière. Ouais, première, deuxième, quatrième, fil de... Olivier, tu commences à me faire chier. Olivier, ça commence à bien faire à l'arrière, hein. Allô, Gérard. Simon. T'excites pas, tu vas te faire flipper le piton. Simon, voilà. Oui, moi je t'ai dit que je dansais la lambada, chérie. Je suis pas ton chéri, alors tu vas t'écraser. Ok, Bicoudé. Ah ben, tu dégages le standard, bonne nuit pour toi. Okay, hop, tu finis pour le débat. Au revoir. Salut, chéri. Ah ben, y a pas de chéri. Coyote. Tu peux répéter la question? Non, tu l'as très bien compris. Bon, non, je danse pas dans la voiture, faut pas déconner quand même. T'es fou, toi, t'es ouf. Pourquoi je danserais dans la voiture? Tu dégages. Ça t'apprendra. Moi, je suis pas autant salope que toi, t'es un con. Ça y est, c'est bon, il a dégagé. Donc, combien coûte une voiture neuve, payez-vous avec votre carte bleue? Gugu. Une voiture neuve? Ouais. Je sais pas, dans les 10 briques. Ouais. Ça dépend. Et je paye pas avec ma carte bleue, parce que je suis interdit bancaire. D'accord. Ivan. Oh, merde. Non, mais c'est bien. C'est bien, hein. Gugu, tu dirais que ce sera Tony, d'accord? Ok. Ah, c'est un Gugus. Voilà. Donc, Ivan. Sans patate. Bon, alors, Ivan, tu dégages. Ah, il a répondu, sans patate. Non, mais attends, il répond comme il faut. Bon, il faut pire, les deux nanas entre Claire et Poupie, elles se calment un peu. Avec Dame Sandy, la poufiasse. Voilà, là, tu dégages. C'était du vieux français. Non, mais moi, je veux pas savoir. Ça veut dire jolie dame en vieux français. Ouais, non, ben, là, Ivan, il dégage. Hein? Et Gérard, c'est vrai que c'est toi qui as doublé les dents de Jacques dans les Visiteurs 2. T'as quel âge? Ah, des chopines. Excuse-moi, mais tu devrais aller regarder si ta mère a fait quelque chose. Hein. Ouais, bien. Bon, alors là, je veux dire, j'ai enlevé la tienne à t'emmerde. J'ai enlevé l'invité mystère, hein, elle a dit ta mère. Non, tu permets? Ah bah oui, elle a pas d'insulte, hein, Gérard. Elle a été vulgaire, hein. Bon, attends, vous la fermez, là, les deux pétasses. Eh, ces enculés, tu me prêtes pas compte. Oh, l'enculé, ta mère, tu dégages. Gérard, s'il vous plaît, on va gérer un peu le débat. Jacouille, on calme. Ça y est. Tu me dégages la poupée, tu me remets l'invité mystère. Ça y est. Alors la poupée, elle dégage pour complètement, elle. Ça y est. Donc, Coyote. Olivier, tu dégages. Non, mais il m'amène un CD, c'est bon. Coyote, il est parti, il avait... Bon, Coyote est parti. Simon, il est parti. Je pense qu'avec trois petites pipes et deux partout, ça doit pouvoir le faire. Hein. Donc, Ivan, t'aurais pu... Bah, ouais, moi, je t'ai demandé... Olivier, tu me fais chier. Gérard. Il est revenu, c'est bon. Ivan. Oui, donc je voulais savoir si c'est une voiture neuve d'occasion ou pas. Bah, combien coûte une voiture neuve? Une voiture neuve d'occasion ou pas? C'est pas pareil. Une voiture neuve. Normalement, je pense que les voitures neuves, si je me trompe pas, doivent avoir 5 ou 10 km quand elles arrivent au garagiste. Ah non, elles ont plus que ça. Non. Il y en a qui viennent de Suède et d'Allemagne. Hein. Exact. Ouais, mais non, mais quoi, attendez, Tony. Oui. Tony et Ivan. Je peux quand même répondre. Vas-y. Je sais que normalement des voitures neuves, elles ont à peu près 10 km au compteur déjà quand tu les quand tu vas dans le garagiste pour voir la voiture. Des Mercedes qui viennent d'aller. Des Mercedes kilomètres. Bon, alors Tony. Quoi? Tony, tu arrêtes avec le mot Mercedes s'il te plaît. Ah ben non, je vois où tu vas. Gérard, j'ai un autre exemple. Les Fiat Uno, c'est pareil. Bon, alors, Ivan et Tony, bonne nuit. À demain. Allez, bonne nuit. Bonne nuit pour Ivan et Tony. Pendant qu'on leur dit bonne nuit, j'ai Alma Bride sur le Minitel qui demande si... est-ce que c'est vrai que, Gégé, tu t'arrêtes au feu vert uniquement pour te faire rentrer dans le cul? N'importe quoi, c'est... Claire. Oui. Donc, pour toi. Bah, c'est cher. D'accord. Et l'invité mystère? C'est vrai que pour... Non, je la coupe. Ah, oh, c'est plus possible. Hein, c'est, ah, plus c'est vrai que c'est cher, hein, je suis d'accord. Non, non, là, mais pas. Hein, l'odeur non, mais c'est pas, ouais, c'est pas vous qui commandez, là. Ah, non, bon. Mais ça fouette, hein, ça fouette, hein, c'est pour ça. Si on pouvait refaire 5 minutes de ventilo, ce serait bien. Il y a mes enfants qui font. Claire, moi, si tu pas... tous les jours, d'accord. Attends, j'ai une oreille qui vient de tomber, tu rigoles. Oula. Là, tu vas me les dégager, là, cela. Bah, attends, j'ai une oreille qui tombe, elle me dit qu'elle se lave, tu rigoles. Bien, tous les auditeurs, ça sera toute ta famille. Bon, alors, Tony, tu dégages. Bonne nuit à toi. On avait dit de les dégager, Manu, en plus. Bon, Gugu. Ça y est Gugu. Non, non, Gugu, ah. C'est Tony. Alors, il dégage pour de bon. C'est un gars qui s'en pour Tony. Faites-vous l'amour en conduisant? Non. Bah non, parce qu'en général, moi, je suis sur la banquette arrière et j'arrive pas à conduire en même temps, GG. Mm-hmm. C'est Ivan. Ivan? Ouais, bah ouais. Bon, Tony? Ouais. J'espère que tu t'es calmé. Ouais, je suis calme, je suis calme. Non, mais l'invité mystère, elle arrête pas de m'insulter. Ouais, ben, dans ce cas... L'invité mystère, s'il te plaît, tu te calmes, c'est moi qui gère les débats, s'il te plaît, merci. Nananer. Tony, tu fermes ta gueule. Ok. Toujours qu'il en rajoute. Tu vois, Tony, tu vas fermer ta gueule maintenant. Oui, poli. Ok, tu vas répondre à la question. Bah, répète-la moi, parce que le temps que Manu me calme, je l'ai entendu. Bon, bah alors tu vas avoir Manu pour qu'il te non, calme. Mais il te calmait. Mais non. Répète-la, s'il te plaît. Non, ouais. Donc, faites-vous l'amour en conduisant? Bien sûr que oui. Oui, alors comment? Bah, je me mets comme ça. Et non. Ensuite, je fais comme ça. Et moi, je me mets comme ça et pom. Ouais, d'accord. Claire? Non, bah moi j'ai la... Je prends les précautions quand même avant, je m'arrête sur le bas-côté. Mmh. Quand même. L'invité mystère? Ouais, tu peux faire l'amour en, dans une voiture. Non, mais, ouais. Non, mais c'est bien de couper attends, le, ouais. Les... merci, hein, Pildard, de couper au fur et à mesure le volume comme ça. J'ai pas très bien compris ce qu'elle a dit, tu vois. Alors fous-toi pas de ma gueule parce que la semaine prochaine, tu risques plus de faire de débat avec moi. C'était peut-être pas super intéressant non plus. Non mais tu permets, elle a le droit de répondre comme tout le monde. Ah ouais, tout à fait. Continuez tous les deux et je pense que tous les deux vous allez rester chez vous pour le vin. Alors attention à vous. Voilà. C'est après un Ricard, c'est pas là. Ah ouais. Donc l'invité mystère, si tu pouvais me redire ta question, la réponse. Oui, tu peux faire l'amour dans une voiture. Ouais, mais attends, c'est de t'arrêter. Bon, alors moi, je vais vous poser la question. Et ça, vous allez répondre avant que je pose la neuvième. Moi, je peux vous dire oui, mais ça dépend de la femme. Alors, Tony, qu'est-ce que t'en penses? Bah, je sais pas, tu fais ce que tu veux avec ta femme. Ah, voilà. Ouais, donc, Ivan. Non, mais attends, Ivan. Je demande à Tony. Ouais. Non, mais tu dis que, enfin, ça dépend de la femme. C'est-à-dire qu'avec ta femme, tu veux pas le faire, mais avec une autre femme, ça sera possible. C'est ça que tu veux dire, en fait. Ah non, ça dépend de la personne avec qui t'es. Ouais, réfléchis. Ouais. Mais par exemple, toi, t'es avec quelqu'un. Ouais. Voilà, comme par hasard. T'es bien jaloux. Hein. Voilà, bien dit, Manu. Ça, comme ça, ça tu vas venir au vin. Attends, tu vas manger. Avez-vous déjà perdu votre permis, Tony? Non. Non, parce que t'as pas ton permis. Il est dans le portefeuille, je le garde. Ah ouais. Précieusement. Ouais, tu l'as jamais perdu? Non. T'en es sûr? Pourquoi? Tu l'as retrouvé? Là, la question. Ivan. C'est quoi ces questions de merde, là? Bon, alors, Ivan, tu dégages. Allez, hop. Là, Ivan, tu dégages, ce coup-là, c'est bon. Ok, Ivan est parti. Claire. Encore Simon, je crois, aussi. Non, je l'ai pas perdu. Il nous reste Simon? Ouais, je suis là, oui. Donc, alors, Simon, pour toi? Oui, moi, je voudrais te foutre mon fulguro point dans le cul, GG. Bon, alors, Simon, tu vas voir dans ton lit si j'y suis. Pas sûr, t'es là. Bon, je pense que Claire. Oui. Donc, toi? Non. Non, ça t'est jamais arrivé? Non, j'ai perdu mes clés, mais pas mon permis. Bon, bah ça, les clés, tout le monde les perd ou les laisse ferme ses portes de sa voiture et puis que... Enfin bon, quand ça t'arrive, t'as pas l'air con. Ouais, ben, je le sais, c'est arrivé à plus d'une personne et fais-moi confiance. Ça t'est arrivé ou pas, ça? Moi, une fois, ça m'est arrivé de laisser mes clés sur le contact. Le comptoir. Non, sur le contact. Sur le comptoir, toi, tout à l'heure, je vais te faire un comptoir, tu vas aller faire dodo, toi. Bon, allez, dernière question, parce qu'il est déjà moins... On se fait chier, hein. L'invité mystère, ouais. Mais j'ai pas compris la question, tout le monde parle. Ah bah voilà. Toujours un peu. Rien à foutre. L'invité mystère, c'est vraiment un boulet, hein. Bah oui, c'est ça, t'as raison. C'est vraiment un plomb, hein. Tu la fermes, toi, s'il te plaît, pour l'instant, c'est moi. Ça ta gueule, ce sera déjà pas mal. Eh oh, l'invité mystère, tu vas la fermer, parce que tout à l'heure, je vais te calmer, moi. Bien joué, GG. Bon, Tony, tu fermes ta gueule. Okay. Ça vaudra mieux, ça me fera des vacances. T'as vu comment elle nous parle, elle respecte rien. Et alors, vous la fermez un peu, vous avez qu'à être moins vulgaire avec elle. Ma gueule! C'est moi qui commande. Je suis beau gosse, moi, qu'est-ce que tu racontes? Elle est hydrocéphale, la gamine. Attends, la gamine, elle t'emmerde. Question, Gérard. Les macros. Caca radioactif. Ouais. Ah, caca, ouais, bah, toi, t'as vraiment un gros caca connard. Hein. Eh, oh, eh, Gérard, eh, toi-même. Hein. Ouais, alors, va te faire sauter. Donc, on va perdre les auditeurs, là. Merci, on va reprendre. Okay. Donc, pour l'invité mystère, avez-vous déjà perdu votre permis? Non, parce que vu que j'ai pas encore passé mon permis, mais je vais le passer bientôt. Mais... alors, oui? Elle est trop truffe, c'est pour ça. Oh, bah, vous gueule un peu là derrière, merci. Moi, j'ai jamais perdu les clés de ma voiture. Hein. D'accord. Une question. Mais est-ce que t'as perdu ta voiture déjà? Bah non, parce que j'en ai pas. Voilà. Ni de voiture, ni de permis, ni rien. Ok. Donc. Un homme. Bon, alors ça, je vais demander à Tony et puis aux autres. Comme il nous reste Tony, qui ouais, Tony, Ivan. Tony, Simon. Ouais. Claire. Ouais. Et l'invité. Et Ivan, il n'y est plus là. Si, si. L'invité Minster. Non, l'invité Mystère. Ah, pardon. C'est non, pareil. C'est pas la même mode. Ouais. On reprend. Ivan, il est toujours là. Hein Ivan, t'es là. Oui, je suis là. Ah, ouais, j'espère qu'il est calmé. Oui, t'es calmé. Je suis calmé, tout à fait, oui. Votre permis, l'avez-vous dans une pochette surprise? Tony. Au point de vue audience, là, il y a des gens qui écoutent ou pas? Non, Tony, tu dégages. Ah, je peux te lâcher. Allez, non, c'est une question. Sinon, moi, j'ai des choses drôles à dire, sinon je les dis pas, quoi. Vas-y, on est plein. Non, mais là, il y a pas d'audience, ça, c'est pas on la est peine. On est plein, on est 50-55, vas-y. Ah, vas-y, lâche-toi. Non, pas surprise. Non, pas de surprise. Allô? Gérard, alors? Oh! Tu réponds correctement et t'arrêtes de demander aux gens qui sont derrière toi de parler, s'il te plaît. Non, c'est l'invité mystère qui a du bruit derrière elle. Bon, GG. GG. Ouais, je t'écoute. GG. À ta place, je m'affolerai pas avec l'invité mystère. Bon, allez, c'est bon, Ivan. Surprise, courant 220 volts ou pas? Avez-vous eu votre permis dans une pochette surprise, pas dans du 220 volts ou du 180? Mais surprise quoi? Surprise électrique? Dans une pochette surprise, tu sais pas ce que c'est? Non, c'est quoi? C'est des trucs que t'achètes dans une boulangerie. Mais y a quoi dedans? Y a tout, y a des bonbons et des petits gadgets. Mais comment? Merde, vous me faites chier. Y a pas de permis de conduire. Mais parce que... Bon allez, conduisez-moi après avoir fait la paix, toi, c'est bon. Gérard, tu vas abréger des questions, elles sont bidons, de toute façon, en pilote, il nous reste 4 minutes, donc... Ouais, ben, on va demander à Claire. Ouais. Comme ça, je vais arrêter vite fait, moi. Ouais. Et ça va être la conclusion. Ouais. Alors, Claire? Non, en général, non, mais il y a certaines personnes, tu te demandes, quoi. Ouais, mais ça, les gens, quand tu les vois au volant, se demandent si vraiment ils ont vraiment passé leur permis. Hein. Je suis désolé. Hein? Tous les mecs. Il n'y a pas que les mecs, hein. Il y a aussi les nanas non, en même temps. Non, c'est tous les mecs. Non, mais ça va, Olivier? On t'emmerde pas, là, quand je termine mes débats? Ouais, c'est des radiations. Ouais, regarde s'il y a des radiations, tout à l'heure, tu vas prendre mon pied où que je pense. Eh, Tchernobyl, tu te casses. Donc, l'invité mystère. J'entends pas la question, parce que tout le monde parle en même temps. Oh, la con, t'as de la merde dans les oreilles, ouais. Bah oui, c'est ça, tu dis ça va être voir. Oh, tu dégages. Ah, bah tant mieux pour moi. Bon, aussi. Allez, hop, conclusion. Conclusion du deuxième débat, je termine pas. Vas-y, une question encore. Non, il n'y a plus le temps, mes chéris. Conclusion. M'appelle pas mon chéri, toi. Conclusion. J'ai une petite question. Il n'y a plus de question. On n'a plus le temps. Non, Gérard. Non, c'est le débat, c'est la conclusion. Conclusion. Oui. Tony. Putain, mais... Vas-y, je la ferai en dernier, vas-y. Bon, non. Tony, conclusion. Moi, je passe après la grosse. Tu peux répondre. Alors, la grosse, ça t'emmerde, tu pourras pas ta conclusion. C'est clair, la grosse. Non. C'est clair, bah oui, c'est clair. Ouais, c'est clair. Pourquoi tu prends ton mal? Dégage. Allez, pas de conclusion pour toi. Allez, c'est bon. Clair, allez, terminé. Conclusion, vous m'avez tous fait chier. S'il vous plaît, merci. C'est con parce que le deuxième jouet qui se passe mieux que le premier, mais apparemment ça a foutu la merde encore. Donc la semaine prochaine, j'ai pas encore les deux thèmes de débat, je vais y réfléchir. Et là vous allez retrouver... Roussel. Roussel, ta gueule toi. Cadet Roussel. Non, Roussel. Rousseau. Pour la nuit sans pub et demain n'oubliez pas qu'il y a la soirée avec... Il y a la soirée Java au Balalo. Oh ta gueule un peu toi. S'il te plaît, merci. Java, demain. Demain, n'oubliez pas, dès 23h, la loco avec Max et Jean et Laurent Garnier. Laurent Garnier! D'accord? Ça, c'est un nouveau, lui. Ouais, mais pourquoi? Oh merde, ta gueule, toi, allez hop. Oh, comment? Donc, voilà. Je préfère pas me dire tout le monde maintenant. C'est clair et net. CD, cassette, CD, remix sur mon compte sera sanctionné. Tenez-vous sur vos gardes. C'est fin septembre. Si j'entends encore une connerie sur mon dos, c'est clair et net. Je vous laisse tomber. Et je laisse tout le monde tomber. Je vous laisse tomber. Si j'entends encore une personne me dire, oui, on a fait des remix sur toi.